Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au frère Samuel. Comme il a dit, pour aller jusque chez eux, ce n'était pas du tout facile. Et j'ai dit que ceux qui n'ont jamais été à l'ouest ne peuvent pas savoir qu'il y a deux Burkina. Les routes ne sont pas bonnes et ce n'est pas simple. Et quand on les voit venir, il faut vraiment dire que c'est un vrai parcours de combattant. Donc vraiment, bienvenue à toi. C'est encore un plaisir. Je crois que j'étais le seul qui le connaissait. Vous avez tous l'occasion et c'est avec joie que nous le recevons ce matin. Et tu as vu aussi, c'est ce que j'ai dit dans ton village. Rachel ne ménage aucun effort pour participer à notre culte et elle est une qui s'ajoute pour prendre les dîmes et les offrandes. Et j'ai encouragé les jeunes filles de là-bas que chaque fois qu'ils vont quitter chez eux, s'ils viennent, ils n'ont qu'à faire comme Rachel. De cette façon, leur vie chrétienne continue correctement. On fait la vie chrétienne au village et puis quand on arrive à Ouaga, on est libre, il ne faut jamais faire cela. Merci aussi au pasteur Daouda. Bon, je crois qu'il y a un nom spécial que Roda a l'habitude de l'appeler quand elle était toute petite, parce que c'est un monsieur de Orodara. Je crois que ceux qui le connaissent savent que c'est un vieux de Orodara. C'est vraiment avec joie aussi qu'il s'est débattu pour connaître ici. Bon, je lui dois, parce qu'il m'a même dit que je vais payer, et je suis prêt à payer. Parce qu'il s'est perdu, il a tourné, et puis il a dit, pasteur, il n'a pas essayé, ça n'a pas. Bon, il n'y a pas de problème, on va régler ça. Il n'y a pas de problème, lui aussi les pasteurs, non? C'est crédit, c'est ça? Ok, aujourd'hui, je suis dans la faute, j'accepte, je vais payer. Ce matin, je voudrais que nous prenions un petit peu de temps pour penser à nos frères qui ne sont pas avec nous. Vous savez tous que Issouf et Roger sont à Koudougou. Pendant la semaine, Issouf a eu un accident. On peut dire merci à Dieu parce qu'il ne s'est pas beaucoup blessé. C'est sa moto qui s'est beaucoup endommagée. Bon, il a expliqué qu'il revenait de la pharmacie et puis une dame était devant lui. Et la dame n'a pas signalé, elle a brutalement tourné. Bon, il n'avait pas d'autre choix. Il est rentré dans la dame et il a dit, ce sont mes chaussures qui m'ont sauvé. Parce que sa paire de souliers s'est déchirée totalement. Il dit que s'il n'y avait pas ces chaussures-là, peut-être, je ne sais pas si ses orteils, il allait les avoir au complet. Bon, donc, on va dire merci à Dieu qui l'a protégé et continuer à prier pour que Dieu le rétablisse. Et le frère Ibrahim, qui est à Broum Broum, m'a envoyé un SMS pour dire de prier pour sa maman. Bon, ceux qui ont connu cette maman, qui est venue passer un bout de temps ici, pour laquelle on a beaucoup prié, Dieu a étendu sa main, elle a pu repartir. Il a dit que la maman, il a communiqué avec elle, elle a dit qu'elle continue. Pendant ces quelques temps, elle entend du bruit dans son ventre, beaucoup de choses. Bon, donc c'est comme si les problèmes encore reviennent. Et c'est notre devoir, et je vous ai dit, nous sommes comptables les uns des autres. Nous devons soutenir les uns et les autres dans la prière. Je vous demande de vous tenir debout. On va prier pour ces cas et également penser à nos frères qui sont loin de nous. Nous avons notre président Moumouni qui est en Belgique. Nous avons Jacob qui est aux États-Unis et Pascal qui est au Canada. Bon, et puis je crois que Kinani s'est joint aussi. Lui, il a un petit séjour aussi qu'il est en train de faire aux États-Unis. Pensons à tous ces frères qui sont loin de nous. Demandons à Dieu de les soutenir. Chaque fois qu'ils m'envoient un message, ils disent, vraiment, nous vous remercions parce que nous sentons que vos prières nous accompagnent. Donc, veuillez vous tenir debout, on va prier pour tous ces frères-là. Nous avons Nancy aussi, qui est allée avec un groupe au Ghana. On va confier tout ce monde au Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui protège et la distance n'est pas un problème pour notre Dieu. Ensemble, prions pour ces situations. Prions ensemble. Père, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci, éternel Dieu, de ce que tu as protégé notre frère Issouf. Merci, Seigneur. Ça pouvait être plus grave que cela. Tu as étendu ta main, nous voulons être reconnaissants. Nous te prions que, Père, tu continues toujours à le toucher, à lui donner la guérison totale et parfaite. nous venons à toi avec la maman d'Ibrahim. Seigneur, oui, c'est ta servante. Tu la connais. Nous te prions au nom de Jésus-Christ que maintenant, tu la libères totalement de tous ces esprits méchants qui étaient en elle et qui sont en train de revenir. Au nom de Jésus, que toutes les voies soient fermées et que tu libères maintenant ta servante. Nous te prions pour tous nos frères qui sont loin de nous, ceux qui sont aux États-Unis, Jacob et Caleb, prends soin d'eux, aide-les pendant leur séjour. Nous pensons à Pascal, soutiens-le dans ce grand travail qu'il est en train de faire pour son doctorat. Donne-lui la santé physique et spirituelle. Nous te disons merci encore, Seigneur, oui, pour notre sœur Nancy, qui est au Ghana avec ce groupe, que tu sois avec eux, que tu les raccompagnes et que tu les ramènes en sécurité ici. Seigneur, nous savons que tu écoutes les prières et parce que tu réponds, nous te demandons de le faire, soit avec nos frères qui sont à Kourougou, soutiens-les maintenant dans leur formation. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Cela fait un bon bout de temps que je vous ai parlé de ce cours qui réellement nous enseigne, nous qui sommes les pasteurs, comment préparer l'Église et que nous puissions aller au bout de cette mission suprême. Ce n'est pas simple. Et en tant que chrétien, souvent, c'est comme si on vous donne un engin sur lequel vous n'avez jamais manipulé, et puis on vous dit, bon, allez-y. Vous savez que ça démarre quelque part, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Vous, aujourd'hui, vous avez des motos avec des vitesses et autres. Nous, à notre temps, il n'y avait pas de moto à vitesse comme ça. Il y en avait, mais pas comme ça. Donc, vous voyez, quand on vous donne, par exemple, une moto comme une CT ou une Kamiko, on dit de démarrer. Et puis, qu'est-ce qui fait partie? C'est... Voilà. Vous voyez, c'est le poignet là. Et puis, vous voyez qu'il y a deux freins, non? Et lequel est dangereux d'ailleurs? C'est celui de la droite là, celui de devant là. Bon, pourtant, quand vous avez peur, on a tendance à tout attraper. Donc, quand vous démarrez, vous avez peur. C'est pas comme le vélo. C'est la première fois que vous apprenez à monter sur une moto, je vous assure que ce n'est pas de la blague. C'est pas simple. Bon, aujourd'hui, avec les motos à vitesse, ça semble un peu plus facile, n'est-ce pas? Parce que vous avez l'habitude de mettre les pieds ici, de toucher à telle chose. Nous, on n'avait pas cette chance-là. Donc, souvent, quand on dit aux chrétiens, bien, faites des disciples, qu'est-ce qu'on voit? Ça semble facile à faire. Ça semble facile à dire, n'est-ce pas? Mais la première question, c'est, est-ce que toi-même, tu es un disciple? Et je voudrais lire une petite illustration, et nous allons poser des questions, et ensuite, nous allons aller dans la parole de Dieu pour comprendre ce que ça veut dire le disciple. Si je vous demande la définition du disciple tout de suite, je crois que j'aurai plusieurs définitions. Hein? Mon professeur de français de la 6e, un certain Nélier, c'est un docteur aujourd'hui, il avait l'habitude de nous dire qu'il y a 36 000 sortes de préparations de riz. Nous, dans nos familles, c'est combien de sortes de préparations de riz on connaît? Donc, un jour, quelqu'un a pris son courage à deux mains et puis il a dit, mais monsieur, il faut nous expliquer. 36 000 sortes de préparation de riz, nous, on ne la connaît pas. Vous connaissez la réponse qu'il a donnée? Il a dit, allez en Chine et vous saurez. Bon, on ne pouvait plus rien dire. Parce que nous sommes tous assis, nous avons tous ce que nous... notre compréhension de la préparation du riz, c'est quoi? Il y a riz à sauce, n'est-ce pas? Riz gras. Ensuite, bon, nous on était à l'internat, il y avait riz au lait. Et puis quelquefois, bouillie de riz. C'est quatre que nous on connaissait. Et lui il dit 36 000 sortes. Donc vous voyez, c'est compliqué. Donc souvent, quand on dit le disciple, si je vous demande la définition du disciple aujourd'hui, on va avoir 36 000 définitions. C'est pas cela? Parce que chacun comprend de sa manière. Et le dictionnaire nous dit simplement que le disciple c'est qui? C'est celui qui suit la doctrine de son maître. La doctrine de son maître. Donc vous voyez que si on se trouve devant un bouddhiste, le disciple c'est un bouddhiste là-bas, n'est-ce pas? On est devant un musulman, le disciple c'est celui qui suit la doctrine de son maître. Donc si on dit un disciple comme ça, tout le monde va voir de son côté et sa définition. Pourtant, quand on parle du disciple dans la Bible, je crois que c'est bien spécifique, n'est-ce pas? C'est bien spécifique, n'est-ce pas? Bien. Voici une petite illustration. Écoutez bien et nous allons discuter. Il était une fois un club des hommes appelé Get to the Top. Get to the Top. Atteindre le sommet. Ok. Dans cette ville où il vivait, il y eut un immeuble élevé 20 étages, mais qui n'avait ni escalier ni ascenseur. Un immeuble de 20 étages. Le but indiqué du club était de parvenir au sommet de cet immeuble. Chaque semaine, les membres du club se rencontraient pour une heure environ. Généralement, le meilleur orateur annonçait aux autres que leur but était de parvenir au sommet de cet immeuble. La plupart de ces exposés se terminaient par une exhortation à chaque membre à parvenir au sommet la semaine prochaine. Puis, chacun applaudissait très fort en se mettant d'accord avec ce but et repartait à la maison. Occasionnellement, un nouvel homme se joignait au club, en général un ami d'un autre membre qui aimerait être avec les autres hommes. Un jour, un homme vint pour adhérer et que beaucoup considéraient comme manquant d'intelligence. Après quelques semaines, juste au milieu de la communication, cet homme fit l'inimaginable. Vous imaginez c'est quoi? Hein? Il est monté au sommet. Il peut monter, c'est un oiseau. C'est compliqué. Mais il a fait l'inimaginable, écoutez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leva sa main pour poser une question. Toute la salle eut le souffle coupé par la surprise, mais l'orateur s'arrêta et accueillit la question. Avec un regard perplexe, l'homme dit, « Je suis devenu membre ici il y a de cela 3 semaines. Chaque semaine, vous m'avez dit que je dois être au sommet de cet immeuble. Mais vous ne m'avez pas dit comment y parvenir. Vous ne m'avez pas élaboré comment parvenir là-bas. Et vous ne m'avez pourvu d'aucun moyen avec lequel y parvenir. Franchement, chaque fois que je viens ici, je quitte toujours avec un sentiment de culpabilité. Pardonnez-moi si je suis grossier, mais si vous voulez que je revienne encore, vous devez me fabriquer une échelle. Alors, je vais réaliser votre but avec plaisir. » Lorsque les gens posaient la question, lorsque les gens écoutaient, personne ne posait de questions, n'est-ce pas? Cet homme a eu le courage de lever la main pour poser une question et il a dit ce qu'il avait en lui. Il a dit quoi? Que chaque fois qu'il quittait, il avait un sentiment de quoi? De culpabilité. C'est comme il vient et il ne fait rien. On dit il faut monter, il vient, rien ne se passe. S'il repart, il se sent coupable parce qu'il n'a rien fait. Mais, vous avez vu sa question? La question qu'il a posée était quoi? Vous ne dites pas comment on peut y aller, c'est ça? Aucun plan, comment on peut atteindre le sommet de cet immeuble-là à 20 étages, sans escalier et sans ascenseur. Vous ne dites rien. Et voilà la conclusion que l'auteur donne, et je voudrais que vous écoutiez très bien la conclusion. Plusieurs églises sont comme ce club, parvenir au sommet. Chaque semaine, les membres viennent et le pasteur leur dit comment ils doivent tous être des disciples, entièrement conformes à l'image de Christ. Mais très peu d'églises expliquent ce qu'est un disciple ou pourvoient au moyen de croître vers la maturité. Par conséquent, chaque semaine, les membres quittent en se sentant un peu plus coupables jusqu'à ce que leur conscience devienne si flétrie qu'ils ne se soucient même plus du fait qu'ils ne croissent pas. En vue d'éviter que ceci continue dans votre église, considérez 6 choses qui qui vont équiper vos membres à croître véritablement. Je vous pose la question. Si on demande qui est disciple, tout le monde peut taper sa poitrine le disciple, n'est-ce pas? C'est pas cela? Mais le disciple, c'est qui? Et la réalité est que souvent dans l'église, il y a des difficultés. On n'équipe pas les gens. On ne leur donne pas les moyens par lesquels ils peuvent être disciples. N'est-ce pas? Est-ce qu'on leur donne les moyens? Si on vous regarde comme ça, vous êtes assis, est-ce que vous êtes au même niveau de maturité? Je pose la question. Maria, tu es au même niveau de maturité que ta sœur à côté de toi? C'est sûr? Demande-lui. Béatrice, je demande si elle a un degré de maturité plus que Maria ou pas. Bon, elle ne m'a pas répondu. Elle a dit simplement qu'ils sont différents. La voisine aussi, n'est-ce pas? Mais vous voyez, c'est comme si on prend les enfants de CP1, on ajoute ceux de CM2, on ajoute des universitaires, et puis on dit, bon, je les enseigne. Allons-y. C'est pas la même chose? Je pose la question, c'est pas la même chose? Est-ce que ce n'est pas cela? Dans l'église, est-ce que souvent ce n'est pas cela? Répondez-moi. Oui. Bon, si vous ne me répondez pas, ça veut dire que je n'ai pas raison. Or, moi, je sais que j'ai raison. Ou bien, Ebenezer, je n'ai pas raison. On ne demande pas le niveau des gens. Le même message est adressé à vous tous. Est-ce que vous avez le même besoin? Ça semble être vrai. Mais le bébé de Rachel, là, on vient avec une bonne cuisse de poulet. Est-ce qu'elle a son besoin là-bas? Non. Pour le moment, elle, c'est du lait. Mais remettez du lait dans le biberon à Charles. Il va vous dire, mais vous vous moquez de moi. Ou bien Charles? Vous voyez, pourtant c'est nourriture et nourriture. Voilà la difficulté de l'église. Et quelqu'un a fait une autre comparaison. Il a dit, quand il regarde souvent à l'église, il compare l'église à deux choses. Il dit, c'est comme on prend de l'eau fraîche, on verse dans un puits. Quel est l'effet? De l'eau fraîche versée dans le puits, ça a quel effet? Presque rien. Ou bien, est-ce que ça a un effet? Non. Ça ne change pas du tout quelque chose dans le puits. Et il a dit, voilà la meilleure façon, si effectivement l'église devait se comporter pour former des disciples, c'est réparer les fissures dans un puits. Tout le monde a déjà vu un puits, non? N'est-ce pas? Lorsqu'il y a des fissures, ça pose problème. C'est pas cela? Quand il y a des fissures dans un puits, ça pose problème. Un beau jour, ça peut faire quoi? Ça peut tomber et puis c'est vers le bas que l'eau sort, n'est-ce pas? Donc, réparer ces fissures-là, est-ce que c'est une chose simple? C'est assez simple? Vous qui avez déjà vu de longs puits, des puits assez profonds, pour réparer les fissures, on est obligé de descendre. Il y a des risques. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est réglé, vous êtes sûr que votre puits, vous aurez de l'eau en permanence. Voilà comment devrait être la formation des disciples. Ce n'est pas une chose facile. Ça demande du temps. Ça demande des moyens. Et ça demande une consécration. Regardez un peu. Je crois que je vous ai déjà dit un jour que pour qu'on sache que réellement les disciples de Jésus, les 11 qui étaient encore vivants, puisque le 12e lui s'est pendu, c'est pas cela? Si vous prenez les 11 là, vous regardez l'histoire de l'église, vous allez voir qu'ils ne sont pas tous morts dans le même coin. Non. Ils ne sont pas tous restés dans le même coin. Ils se sont éparpillés. Certains sont morts en Afrique. Un, Thomas, lui, il est mort en Inde. Les autres sont morts en Perse, en Turquie, quelque part. Et ils se sont éparpillés, comme le Seigneur leur a dit. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ils se sont rendus compte, c'est où ils pouvaient atteindre, ils sont allés. Et dans cette mission, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils y sont restés ils ont été des martyrs, tous sont morts d'une manière réellement difficile. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur avait effectivement bien formé ces gens comme disciples. Et si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes capables de dire que nous sommes ceux qui suivent Christ, c'est parce qu'ils ont fait leur part. Ils ont fait ce devoir-là. Ils l'ont fait. Et quand vous regardez à comment faire un disciple, c'est comme ce grand bâtiment de 20 étages. Sans escalier, sans ascenseur. La tâche est très immense. Cet homme qui a dit qu'on lui donne une échelle, moi je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que ce serait facile d'avoir une échelle pour monter ces 20 étages-là? Je vous pose la question. Imaginez un peu quelle sorte d'échelle ça peut être. Bailou, tu serais prêt à monter sur une échelle de ce genre-là? Hein? Ah! C'est sûr? Est-ce que quelqu'un serait prêt à monter sur une échelle de ce genre-là? Vraiment, tu serais prêt? Donc, vous voyez, lui, il voit que l'échelle elle peut être la solution. Mais une échelle pour monter au sommet d'un bâtiment de 20 étages, je ne vous flatte pas. Vous allez réfléchir deux fois avant de commencer à grimper. Parce que vous n'allez pas tellement faire confiance en cela. C'est pas vrai? Quelle que soit la solidité du matériel, 20 étages, vous pensez que ça fait combien de mètres? Hein? C'est beaucoup. Donc, voilà, lui, il a proposé quelque chose. Mais est-ce que ce quelque chose qu'il a proposé tient? Parce que c'est plus facile quand on doit aller en hauteur de monter sur une échelle. C'est ce que les gens utilisent souvent. Donc, faire un disciple, c'est ce gros défi-là. Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour faire le disciple? Ce n'est pas simple. Apparemment, ça semble simple. Si vous vous rappelez des différentes étapes dont nous avons parlé, est-ce que quelqu'un peut se rappeler des 4 étapes? Parce qu'on a parlé de 4 étapes. Oui? La première? Dis fort. Viens et vois. Ça, c'est quoi? C'est le stade de l'invitation. Et c'est ce que vous faites aux gens quand ils ne sont pas encore chrétiens. Vous dites quoi? Bon, on commence à témoigner. C'est comme, viens et vois. Je ne sais pas si on vous a déjà invité avant que vous ne deveniez chrétien. Bon, si vous êtes né dans une famille chrétienne, bien sûr, la plupart du temps, vous vous dites, on connaît déjà. On connaît déjà, on n'a pas besoin. Mais celui qui vient d'une famille non chrétienne, la plupart du temps, on t'invite, viens et vois. Voilà. Donc, vous allez pouvoir. Et vous êtes un observateur, n'est-ce pas? Et l'erreur que nous faisons, c'est que tout de suite, on veut qu'il accepte. C'est pas cela? Je pose la question, c'est pas cela? En évangélisant, là, on dit quoi? Donnez, venez à Jésus. Et puis tout de suite, on veut que ça soit tout de suite et maintenant. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour voir, pour comprendre, pour chercher. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? Hein? Suis-moi. Voilà, si tu es venu, tu as vu. Si tu es convaincu, tu fais quoi? Tu commences à suivre. Et quand on dit on commence à suivre, ça veut dire quoi? C'est le chemin que moi je prends là, que vous prenez. Ce que le Seigneur a fait. Il a appelé ses disciples-là. Il les a appelés à différents endroits. Si vous pensez à ceux qui pêchaient, il les a dit, viens, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il a trouvé le monsieur là qui était à son lieu avec son argent, Matthieu, et puis il a dit quoi? Suis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a clos ses comptes avant de partir? Non, il n'a pas clos. Il a suivi. Donc, il a invité les uns et les autres et les gens ont suivi. Suis-moi. Ensuite, la troisième étape, c'est reste avec moi. Si tu m'as suivi, les disciples au début, ils avaient leur famille. Ils ont suivi le Seigneur et un moment arrivé où ils ont tout laissé et ils sont restés avec le Seigneur. Ils étaient avec lui partout. Partout où le Seigneur partait, ils partaient. Ils sont restés avec le Seigneur. Et vous voyez que ça, c'est un stade d'engagement plus avancé. Si vous restez avec quelqu'un, les conditions dans lesquelles il est, où il va, tout ce qu'il dit, vous suivez. Et la dernière étape, demain avec moi. Et ça, c'est la dernière étape. Et je vous ai dit que cette étape, on l'a, c'est à vie. C'est toute sa vie. Vous ne venez pas à Christ, quelque temps, quand ça chauffe, vous repartez. On demeure, on reste en lui. Et demeurer en lui montre que vous, vous cherchez à vous identifier à lui. Voici les étapes. Ça semble court. Ça semble facile à comprendre. Mais vous voyez, ça prend du temps pour que quelqu'un aille d'une étape à une autre. Et c'est ça qui constitue comment former des disciples. Pour les former, la première étape qui est viens et vois, la personne doit suivre des. Il a un temps. Ça ne se fait pas en deux jours. Ça ne se fait pas en trois jours. C'est notre difficulté parce que quand on dit à quelqu'un viens et vois, et immédiatement il est là, on pense qu'il est devenu chrétien, c'est fini. On n'a plus rien, on ne l'aide plus. C'est comme un enfant, vous le prenez, il ne sait pas se laver, mais vous l'avez mis dans le lot, vous dites allez-y. Il va faire comment? Les autres se lavent, lui, il ne peut pas se laver, il est encore petit. Si quelqu'un ne vient pas en aide, comment il va faire? Voilà comment l'Église fonctionne. Et ça, ça exige que, en tant que chrétien, vous et moi, parce que vous allez dire, lui, c'est le pasteur, c'est vrai, mais les chrétiens d'abord, avant d'être pasteur, vous et moi, nous devons revoir notre manière de voir les choses pour aider les gens. Parce que l'Église souffre à cause du fait que, comme Thierry nous l'a dit, on a une église longue d'un kilomètre, mais profonde d'un centimètre. C'est indicatif, non? Quelque chose de long, mais peu profond. La profondeur, c'est quoi? C'est la solidité spirituelle. Et cela, vous voyez ça partout. Ouvrez vos yeux et regardez. Quand vous dites tel pays est un pays où on a le plus grand nombre de chrétiens, regardez là-bas. Est-ce que les difficultés finissent? Je pose la question, les difficultés finissent? Allez au Congo démocratique, on dit qu'ils sont à 80% de chrétiens. 80%. La guerre a fini? Je pose la question, ça finit? Non. C'est vrai, c'est long. Mais spirituellement, la profondeur est faible. Elle est petite. Et c'est ça. Et Tite a dit, ça c'est le problème de l'Afrique. C'est un théologien, un Burkinabé, africain. Docteur Tite Tienou, il est aux États-Unis. Il nous a enseigné plusieurs fois et il ne cache pas. Il dit, voilà le problème de l'Afrique. Apparemment, quand on regarde, la chrétienté se développe. Mais quand on regarde, la profondeur spirituelle n'y est pas. Et ça, c'est la vérité. L'Église n'a pas regardé à ce côté-là. L'Église a souvent regardé aux normes, l'Église n'a pas regardé à la qualité. Et ils ont raison, chacun donne ce qu'il a. Ou bien, ce que vous n'avez pas, vous pouvez donner. Toi, tu as voiture. Toi, tu as voiture, tu peux pas donner une voiture. Chacun donne ce qu'il a. Si on te forme pasteur, c'est ce qu'on t'a donné, quand en retour, tu vas donner aux autres, n'est-ce pas? Bien. Donc, regardez. Et cela, en principe, on ne parle pas de « je suis venu, je suis un intellectuel, je suis devenu chrétien ». Non, il y a des étapes qu'on suit. Et je voudrais que nous lisons dans Acte 9 pour voir qui était Saul de Tarse. En lisant, je crois que beaucoup de gens ont déjà lu ce chapitre-là. En lisant ce chapitre, Saul, qui était-il? Si c'est aujourd'hui, on allait le nommer quoi? C'était quoi? Non, mais je veux parler de sa connaissance. C'était quoi? Un docteur. Est-ce qu'on plaisante avec un docteur? Les universitaires là, vos professeurs qui sont des docteurs là, est-ce qu'on plaisante avec eux? Même s'il dit quelque chose qui ne semble pas vrai, vous n'osez pas parler, vous n'êtes pas docteur. C'est lui qui est docteur, c'est pas ça? N'est-ce pas? Si on devait le qualifier sur le plan de la connaissance, c'était un docteur de la loi. Mais voyez, quand on va dans Acte 9, lorsque ce monsieur rencontre Jésus, je crois que ça n'a pas été une rencontre facile, hein? Hein? En termes de boxe, on allait dire que ça a été un chaos. C'est pas cela? L'homme fort là, il a reçu un chaos. Quand ce monsieur a rencontré Jésus, alors nous allons lire quelques versets. Quelqu'un peut lire à partir du verset 17, Actes 9, 17 à 22. C'est la version française courant. Ok, merci. Alors Ananias partit. Il arriva dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Aussitôt, quelque chose de semblable à des écailles tomba des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et demandaient: n'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les amener au chef des prêtres? Mais Saul prêchait avec toujours plus de puissance. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui, répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Amen. Amen. Vous avez vu, ce grand docteur, lorsque il a été confondu par Christ, il n'a pas commencé directement à parler. Il est dit qu'il est resté avec, quand il a recouvert la vue, il est resté avec qui? Il est resté avec les disciples. Paul avait une théologie donnée, n'est-ce pas? Maintenant que Jésus lui a parlé, ça veut dire que s'il devait travailler pour ce Jésus-là, il devrait comprendre quoi? La théologie de ce maître-là. Et avec qui il pouvait avoir cela? Les disciples qui étaient là. Vous voyez? Bien qu'étant plein du Saint-Esprit, bien qu'étant un qui connaissait les lois en tant que Israélite, il ne pouvait pas s'engager comme ça. Il est resté avec ces gens. Et en restant avec ces gens, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'il apprenait avec eux. Notre texte reste muet là-dessus, mais ce qu'on sait, il ne peut pas rester avec eux sans s'informer, sans apprendre à faire comme eux ils le veulent. Et on vous a dit, il a commencé à prêcher que Jésus est le Messie. Pourquoi? Il pouvait dire cela, c'est son témoignage à lui. C'est ce que Jésus a fait, que lui pouvait dire aux gens. Et ce qu'on demande aux gens souvent dans l'évangélisation, on ne vous demande pas d'inventer de l'extraordinaire. Ce que Christ a fait pour vous, on peut le dire. N'est-ce pas? J'avais des problèmes, je ne voyais pas. Et on regarde même, on voit les traces sur tes yeux. On a fait tout ça là, on a fait des interventions, rien. Voilà les traces là. Mais on a prié pour moi, voilà, je suis guéri. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je pose la question, on a besoin d'autre chose? C'est dans votre vie, c'est votre corps. Et vous montrez aux gens, et ça, voilà, ça c'est visible. On ne peut pas vous croire. Je vous ai dit que le formateur en question, qui était là il y a 2 semaines de cela, il nous a montré ses bras-là comme ça, voilà. Il nous a montré ses 2 mains. Si vous regardez ses 2 mains, elles sont différentes. Sa main droite là, si vous regardez, la longueur de sa main droite ne vaut pas celle de la main gauche. Et il nous a montré ici. Des trous. En fait, on a enlevé la chair au niveau de ses mollets pour remplir les trous là. C'était un imam. Un imam qui devient un chrétien. Donc on l'a battu pour le tuer. On l'a pensé même qu'il était mort. Ils sont allés le blesser. Donc brisé. Et quand il a pu se lever, il dit qu'il a fait plus d'une semaine dans la brousse, avec un bras cassé. Et tout ça, ses oreilles pendaient à peine. Donc, pour le soigner, ce sont des chrétiens qui l'ont recueilli et ils ont enlevé la chair au niveau de ses mollets pour remplir ici, coudre. Et ils vous montrent ça. Est-ce qu'on a besoin, ce témoignage-là, on a besoin de dire deux choses? Quand vous regardez ça avec vos yeux, ils montrent ces deux bras. Vous voyez qu'un est plus court que l'autre. Et puis vous voyez, c'est effectivement les os qui avaient été brisés. On ne discute pas. Le témoignage, ça c'est ce que Christ a fait pour vous. Quand on le dit, ce n'est pas du mensonge. C'est la vérité. Tout le monde voit avec ses yeux, on peut constater. C'est ce qu'on demande de témoigner. C'est ça, pas autre chose. Lui, Paul, ne pouvait que témoigner de cela. Parce qu'il a été sonné par Christ. Lui qui était fort, il a été terrassé. Et c'est de ça qu'il parlait. Mais il a écouté les disciples. Il a suivi les instructions qu'on lui donnait. Et la suite de notre texte, quand nous lisons le verset 26, je le lis. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Paul était toujours avec les disciples. On l'appelait toujours Saul. Il était toujours avec les disciples. Il connaissait, mais il cherchait toujours à comprendre d'abord cette théologie-là jusqu'au bout. Et vous pouvez aller dans Actes au chapitre 15 où il se retrouve à Jérusalem pour une conférence, pour encore discuter des choses sur lesquelles Paul n'était pas d'accord et ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés d'un commun accord de se rendre à Jérusalem où il y avait les apôtres, les anciens, ceux qui comprenaient, ceux qui avaient vécu avec Jésus, ceux qui savaient comment les choses étaient, pour qu'on les enseigne et qu'on leur dise voilà où se trouve la vérité. Lui, c'était un grand docteur, mais il n'a pas dérogé à la règle. Il a accepté se former. On vous dit, quand on a prié pour lui, il a été rempli du Saint-Esprit et que les écailles sont tombées de ses yeux. Mais si c'est nous aujourd'hui, on va dire quoi? Je suis rempli du Saint-Esprit? Quand je passe, je fais comme ça, les gens tombent. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre encore? Hein? Josué, j'ai besoin d'apprendre? Quand je passe là sur le bas, les gens tombent. Est-ce que moi j'ai besoin d'apprendre? Non. Mais, voyez, ça sont les étapes pour réellement être un disciple d'abord. Si il a écrit ses nombreux épîtres, qu'il a enseigné aux églises, qu'il a encouragé les gens, même lorsqu'il était en prison, c'est parce que lui, il était d'abord un disciple accompli. Et comme je vous ai dit dans la définition, on dit que le disciple est celui qui suit la doctrine de son maître. Et il essaie d'être comme son maître. Voilà le disciple. Et lorsqu'on parle de disciple, dans l'église, c'est celui qui est à la ressemblance de Christ. Il ne peut pas le devenir du coup. Non. Lorsqu'on parle de disciple dans l'église, c'est une personne sauvée, baptisée, qui est continuellement et efficacement en train de croître en la ressemblance de Christ. Vous entendez? Sauvée, baptisée, qui continuellement et de façon efficace est en train de croître à la ressemblance de Christ. Ce matin, beaucoup de gens ont mangé avant de venir, non? Ou bien, Rosalie, tu as mangé quelque chose ce matin? Rien du tout. Mais je sais que d'ici que le soleil ne tombe, tu vas manger. Ça, c'est au moins sûr. Sûr. Ou bien, Léa, c'est pas vrai? D'ici que le soleil ne tombe, je sais qu'elle va rester dans la cuisine là. Pourquoi on mange? Répondez-moi, Daniel. C'est un besoin naturel. Oh, il a parlé en scientifique. manger est un besoin naturel. Ok. Oui, il y a beaucoup d'autres besoins naturels. On mange pour non seulement permettre au corps physique de faire quoi? D'avoir les substances nécessaires qui nous permettent de continuer avec nos activités. Et la plupart du temps, on mange, il y a une certaine croissance. N'est-ce pas? On atteint un certain niveau et puis on croit toujours. Ça, c'est du côté négatif. C'est pas cela? Là, c'est pas vrai. On atteint le seuil là et puis maintenant, mais on continue à croître. Hein? C'est là les cheveux deviennent blancs, la peau se ride, mais on continue à croître. C'est de l'autre côté. Ou bien, docteur? Tiens-toi. Ok. Mais c'est croissance quand même. Que vous voulez, dites croissance positive et croissance négative. Mais c'est croissance quand même. Il y a croissance en facteur, c'est ça? Bon, j'ai pas oublié mes maths. Ça tient. Donc, le chrétien, le disciple, c'est celui qui il a dit oui, il a été baptisé, et on le voit, et il est en train de continuer, et de façon efficace, parce que c'est intentionnel. Je vous dis, c'est intentionnel. Ce n'est pas qu'on le force, non. C'est de façon intentionnelle. Si c'est intentionnellement fait, il peut atteindre ce niveau de croissance-là. Et il va jusqu'à la maturité. Voilà le disciple. Et le disciple ne peut pas croire de lui-même s'il n'est pas encadré. Et cet encadrement exige beaucoup de choses. De la part du disciple lui-même, parce que je vous ai dit, l'aspect intentionnel est là, mais de la part de l'Église qui l'a accueilli. Lorsque il est venu voir et qu'il a décidé de suivre. Il y a beaucoup d'étapes. Et ces étapes, je ne peux pas en quelques minutes vous expliquer, mais je vais vous les citer simplement parce qu'avec le temps, on reviendra là-dessus. Si on ne prépare pas le disciple,